verre et des gens joyeux. Boire de la bière et ouvrir les yeux. Cueillir des champignons dans des prés divins. Avec des harpies à très gros seins. Santa Juliana, take care of the show. Prends-moi dans tes bras, Santa Juliana.